demander de me taire, de fuir loin de vous pour jamais, et de m'en aller solitaire sans me rappeler qui j'aimais. Demander plutôt aux étoiles de tomber dans l'immensité, à la nuit de perdre ses voiles, au jour de perdre sa clarté. Demander à la mer immense de dessécher ses vastes flots, et quand les vents sont en démence, d'apaiser ses sombres sanglots. Mais n'espérez pas que mon âme s'arrache à ses âpres douleurs et se dépouille de sa flamme comme le printemps de ses fleurs.